Bienvenue à cette soirée associativement vôtre. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs, ainsi que ceux qui sont avec nous ce soir. Ravis que vous soyez tous arrivés malgré ce temps neigeux qui en fait est dédié au sujet de la soirée, qui est, dans ce 21e siècle ultra-consumériste, quelle valeur attribuer à Noël ? Autour de ce sujet, nous avons la chance d'accueillir, pour la partie musicale, deux auteurs-compositeurs vosgiens, Sylvie Leguet et Jean-Claude Vorgy. Ensuite, l'association Vivre et Créer à la Montagne, avec Vincent Descombis, va nous offrir un historique de Noël. Puis, nous aurons des textes de Jean-Claude Vorgy en tant qu'écrivain. Et puis, Philmon, notre journaliste, bien sûr. Nous avons également la chance d'avoir comme invité Pierre Feutet, qui est là pour représenter l'association Vosges Alternative au Nucléaire. Parce que bien sûr, nous allons débattre du sujet de l'énergie consommée pendant ces périodes de Noël. Nous allons donc commencer la soirée en musique avec Sylvie Leguet. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée en notre compagnie. Chanson à moi, en fait. C'est sympa parce que ça fait 30 ans que j'ai pas chanté ces choses-là. Magnifique chanson, merci Sylvie, vraiment très très belle, qui démarre bien la soirée. Là, maintenant, nous allons passer à un sujet un petit peu particulier. Je dois reconnaître qu'il me tenait à cœur. Parce que, comme m'avait dit Jean-Claude une fois, je reprends l'inspiration de Jean-Claude, on est tout juste passé à l'heure d'hiver que nous voici à l'orgie lumineuse des décorations de Noël. Eh oui. Donc, en plus des cadeaux qui, il faut bien le dire, viennent tous pratiquement de Chine, des jouets pour enfants, ce qui est quand même relativement aussi énergivore. En même temps, dans ce contexte, on reçoit une annonce surprenante. Alors, je ne sais pas si je dois dire notre cher, très cher ou pas cher, enfin, bon marché ou j'en sais rien, notre Macron, voilà, nous annonce « Au sauveur, les EPR vont nous sauver en avant-toute. » Pour en savoir plus, avec Pierre, qui est représentant de Vosges Alternative en nucléaire, du nucléaire, et nous éclairer sur ce sujet. Dans ce contexte, ce que je trouve important, c'est déjà un petit historique. Par rapport aux EPR ? Ah, par rapport aux EPR. Bah, les EPR, c'est une vieille histoire française, on va dire, puisque c'est un réacteur qui a été inventé par les Français suite à la catastrophe de Tchernobyl, en gros, pour faire des réacteurs plus sécurisés, plus sécurisants. Donc, ils ont inventé une nouvelle génération de réacteurs et ils ont essayé de construire un prototype à Flamanville. Et il se trouve que donc ça fait 12 ans, 12 ou 13 ans que ce réacteur a été programmé, mais il a vraiment 13 ans de retard. Donc il est toujours pas, ils n'ont pas réussi encore à le faire fonctionner. Il devrait encore y avoir 2 ans avant qu'il puisse essayer de le faire fonctionner. Oui, parce que tu m'avais dit que en plus de qu'ils ont de la peine à le faire fonctionner. En plus, ils buguent sans arrêt. Ben, le problème, c'est qu'il y a eu toute une série de malfaçons, alors, dans les bétons, dans l'acier, dans la manière de recruter des gens, etc. Enfin, il y a eu des tas de choses qui arrivent, qui fait qu'ils ont pris un retard phénoménal. Et le retard, ça coûte très cher dans le nucléaire, puisque au départ, ce réacteur miracle qui devait sauver l'industrie nucléaire devait coûter 3,5 milliards d'euros. Et actuellement, la Cour des comptes prévoit qu'il va coûter plus de 19 milliards. Donc on est à quasiment 5 à 6 fois le prix d'origine. Donc ça met l'électricité à un prix hors compétition. Oui, c'est effectivement... Et puis, ben, en plus, apparemment, les Chinois avaient plus ou moins acheté le brevet français, d'après ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qui leur est arrivé aux Chinois ? Alors, les Chinois ont construit 2 EPR sur le modèle de l'EPR français. Donc, eux, ils s'embêtent moins avec les problèmes de béton, d'acier, etc., et de sécurité. Donc, ils ont déjà, les deux réacteurs sont déjà en cours de fonctionnement depuis un an. Mais le problème, c'est que ça fait un an qu'il y a des problèmes de fuite, donc des fuites radioactives. Donc, dans l'environnement proche de la centrale, certainement, les populations doivent subir des pollutions radioactives. Mais on n'en sait pas plus. Sauf qu'il y a un réacteur qui a été arrêté depuis peu, à cause de ces fuites, et que, bon, voilà. C'est un problème, apparemment, des gaines de combustible qui sont pas assez solides pour ce type de... Donc en fait, un projet EPR, si je comprends bien, en résumant un peu ce que tu as dit, c'est un peu « je vogue sur mon nuage », quoi, en gros. Oui, parce que c'est un projet qui marchera apparemment jamais, bien qu'il y ait encore des projets en cours. Donc il y a aussi la Finlande qui a voulu son EPR. Donc on a réussi à vendre un EPR à la Finlande. Même problème qu'à Flamanville, ils n'ont pas réussi à le terminer. Donc ça fait 10 ou 11 ans que ça dure. Normalement, ils devraient le mettre en route l'année prochaine. On dit ça tous les ans. Mais... Et ça coûte également... Et pareil, ça a coûté une fortune. Chaque année de retard coûte une fortune à la France, hein, puisque c'est des pénalités de retard à chaque fois. On a aussi vendu ça à l'Angleterre. Il y a un projet à Hinkley Point, deux réacteurs EPR aussi qui sont en cours de construction, mais qui déjà ont du retard. Donc voilà, c'est donc, un projet relativement fantasmagorique. Oui, pour les Français, ça va coûter très cher. Donc c'était censé être un réacteur qui allait être le modèle pour en construire partout dans le monde. Donc là, ils essayent d'en vendre 6 aussi à l'Inde, mais c'est encore pas joué. Et puis, notre président vient de nous annoncer qu'il voulait en construire 6 en France. Donc il y a déjà des candidats, des sites qui sont déjà candidats pour avoir leur EPR, alors que... On a la preuve que ça ne fonctionne pas. Oui, j'allais dire, les seuls qui fonctionnent seraient en Chine pour l'instant. Mmh. Et pour l'instant, ils fonctionnent avec des fuites et des problèmes assez graves. En juin, il y a eu un problème assez grave. Oui, c'est ça, c'est des pollutions radioactives dans l'environnement. Donc voilà, ça c'est effectivement intéressant. Maintenant, si on parle Vosges alternative au nucléaire, l'alternative, sachant que l'électricité est un produit qui ne se stocke pas. Donc ça, on le sait plus ou moins, mais enfin... Quand on en prend conscience, en fait, il est fabriqué au fur et à mesure, d'après ce que tu m'as expliqué. Oui, enfin, l'électricité peut se stocker. Hein, on connaît tous les batteries de voitures, par exemple. Mais à l'échelle d'une centrale nucléaire, c'est impossible de mettre l'électricité produite sous forme de stockage en batterie, parce qu'il en faudrait des quantités phénoménales qui consomment beaucoup de métaux lourds et puis qui ont une durée de vie limitée. Donc, les batteries, c'est pas possible. Donc, en fait, la production d'électricité est immédiatement consommée. Ce qui veut dire qu'avec les éoliennes, il y a un problème. Alors, pour les éoliennes, c'est pareil. L'énergie produite par les éoliennes est consommée de la même manière. Mais le problème des éoliennes, c'est que quand il n'y a pas de vent, elles s'arrêtent. Donc, évidemment, juste les éoliennes, ce n'est pas suffisant pour remplacer le nucléaire. Il faut aussi compter sur le solaire, sur l'hydroélectricité, sur d'autres sources d'énergie renouvelable. Alors, la vraie alternative, c'est une question. Hein. Mais bon, je pose toujours des questions assez bêtes, on va dire ça comme ça. Est-ce que ce ne serait pas réduire drastiquement notre consommation? Ben, certainement que c'est la meilleure solution. C'est déjà... l'énergie qui pose aucun problème, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, à toute manière, quelle que soit la manière de produire de l'énergie, on aura toujours des effets néfastes à un moment donné. Mais si on ne la consomme pas, on n'a pas ce problème. Donc, il faut absolument déjà chercher où est-ce qu'on pourrait réduire cette consommation. Par exemple, je donne l'exemple du Japon en 2011, quand il y a eu la catastrophe de Fukushima. Tout d'un coup, il y avait 54 réacteurs. Tout d'un coup, ils en ont eu zéro. Donc, il a fallu qu'ils remplacent rapidement l'électricité nucléaire par autre chose. Et la première solution qu'ils ont trouvée, c'était de dévisser des ampoules, d'arrêter les escalators, etc. Donc, ils ont cherché à faire des économies et ils ont réussi. Ça ne leur a pas posé de problème particulier. Donc c'est faisable. Oui, c'est tout à fait faisable de chercher où est cette énergie qu'on consomme pour rien. Donc on fait tourner des réacteurs pour rien. Par exemple, tous les appareils électriques qui ont des veilles, comme les télés, etc., tous ces appareils consomment sans rien faire. Donc la première chose qu'il faudrait faire déjà, c'est obliger les fabricants à mettre des interrupteurs. Parce qu'on cherche des fois désespérément comment on peut arrêter la veille. Non, il faut tirer sur la prise, c'est tout. Donc il y a des choses à faire. On peut aussi isoler les maisons. Il y a beaucoup de gens qui chauffent au chauffage électrique. Donc plus on isolera, moins on consommera d'énergie électrique pour le chauffage. Il faudrait aussi chauffer l'eau avec le soleil. Le soleil, c'est une énergie gratuite, permanente. Donc, chauffer l'eau, même dans les Vosges, on peut chauffer son eau chaude sanitaire à peu près à 50% juste avec le soleil. Donc ça, il n'y a pas besoin, il y a besoin d'un tout petit peu d'électricité pour faire tourner la pompe, mais c'est tout. Voilà, puis on a toutes les énergies photovoltaïques. Il y a plein de solutions, c'est pas une solution, quoi. Oui. Je viendrai là au départ de notre... notre explication, là, moi, j'avais lancé ces éclairages de Noël. Alors là, justement, j'ai posé la question, parce que ça m'intéressait. Parce qu'on dit, oui, mais maintenant, on met des LED. Alors, ça ne consomme pas beaucoup, les LED, alors on peut en mettre partout. Et là, qu'est-ce que tu m'as répondu, Pierre? Bah, les LED, effectivement, ça consomme beaucoup moins d'énergie que les ampoules traditionnelles. Mais du fait que ça consomme moins, on en met beaucoup plus. C'est une sorte de boulimie de lumière et d'énergie. Donc, on en veut toujours plus. Donc, évidemment, si on met plus de LED qu'avant des ampoules normales, ça va consommer autant, finalement. Donc, la LED n'est pas forcément une solution si on en met plus. Les vendeurs de cuisine intégrée, maintenant, ils vendent des placards qui s'allument quand on les ouvre. Donc, il faut toujours qu'il y ait de la lumière partout. Non, il faut arrêter ça, c'est sûr. Donc, en fait, cette pseudo-sauveur que seraient les EPR, c'est un leurre. Bah, le nucléaire est un leurre, oui, parce que c'est extrêmement dangereux. Donc, on n'en a pas conscience parce qu'on l'utilise depuis longtemps en France, mais quand on regarde les accidents nucléaires qui ont eu lieu dans d'autres pays, c'est vraiment une énergie où on joue avec le feu et on peut supprimer toute une partie d'un territoire juste avec un accident. Donc c'est très dangereux. Donc si on peut éviter ça, c'est quand même mieux. Puis c'est un leurre dans le fait qu'en fait, ils relancent le nucléaire aujourd'hui sous prétexte qu'il y a le réchauffement climatique et qu'on va lutter contre le réchauffement climatique grâce au nucléaire. Et donc, en fait, c'est une idée fausse, puisque déjà, les EPR ou les SMR, les petits réacteurs qu'ils veulent produire, ils vont les construire, mais on aura les bénéfices de cette énergie-là seulement quand ils seront construits, donc d'ici à peu près une vingtaine d'années. Hein, le temps qu'il y ait les projets, etc., que ça se construise, il faudra une vingtaine d'années. Donc, d'ici là, la planète se sera réchauffée. Il y a une urgence climatique actuellement et le nucléaire ne peut pas résoudre ce problème. D'autant plus que l'électricité est un tout petit problème par rapport au gaz à effet de serre. Oui, mais là, il y a la dualité de la voiture électrique prônée en solution miracle également. Oui, mais la voiture électrique n'est pas une solution. On déplace en fait les problèmes. Il va falloir construire, produire beaucoup de batteries pour les voitures électriques. Donc, il va falloir rouvrir des mines, rechercher des métaux lourds pour faire ces batteries, mais jamais en France, hein, toujours dans des pays étrangers. Donc, toutes les pollutions seront dans les autres pays, et nous, on aura des voitures propres. D'accord. Donc, les accidents nucléaires, éventuellement, peuvent aussi se produire dans les autres pays, donc pollution radioactive, pollution minière, et puis finalement... Et puis, ces fameux déchets aussi nucléaires, donc, dont on n'a pas de solution depuis la création de cette énergie. Les déchets, on fera une émission. Ben là, ça sera une autre émission. Voilà, je vous préviens déjà, ce sera fin janvier. Ce sera sur les déchets, y compris sur les déchets à vitel de plastique et tout. Et puis surtout après les fêtes, parce que ça aussi, le nombre de déchets qu'il y a avec les cadeaux, avec les plastiques, avec tout ce qu'on peut imaginer. Ben bref. Ça, ce sera l'objet d'une autre, effectivement, d'une autre émission. Mais disons, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il n'y a pas de solution réelle à part réduire sa propre consommation, en gros. Oui, c'est ça. Pour vos alternatives au nucléaire, c'est une solution. Et puis, voilà, utiliser aussi un maximum d'énergie renouvelable. Mais c'est pareil, l'énergie renouvelable, elle n'est pas. C'est un bien précieux, l'énergie. Chaque fois qu'on produit de l'énergie, il faut considérer ça comme un bien précieux et ne pas l'utiliser à outrance. Oui, parce qu'il y a aussi un détail dont tu m'as parlé qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'on mise sur toutes ces batteries de voiture, batteries autres et autres. Mais seulement ça aussi, les métaux lourds, c'est des énergies fossiles. Donc on arrivera aussi au bout, à un moment donné. Oui, le stock n'est pas infini. C'est ça. On va manquer de métaux, hein, c'est clair. Et on le sait. On recule pour mieux sauter. Oui. C'est un peu ça. Bon, soyons positifs. Merci beaucoup, Pierre, de toute ton explication. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de connaître un peu mieux ce sujet, parce que quand on parle d'être contre le nucléaire, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais il faut bien, peut-être ». Enfin, ce sont des solutions relativement caduques, ça fonctionne oui, pas. Oui, puis d'autant plus que le nucléaire est plus cher maintenant, depuis quelques années, le nucléaire est plus cher que les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. En plus. Ah oui, non, il faut le savoir aussi, donc il n'y a plus beaucoup d'investisseurs dans le nucléaire. Ah, d'accord. Et là, c'est l'État qui est investisseur, donc c'est nos impôts qui passent dans cette énergie qui n'est pas rentable. D'accord. Ah ouais, c'est des bonnes nouvelles. Bah, merci pour ce cadeau de Noël. De rien. On te remercie beaucoup. On va demander à notre Jean-Claude international et pratique. Oui, de nous chanter une chanson. Alors, je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Moi non plus. Parce que tu as trois surprises. Oh, moi, celle que j'aime spécialement. Oui. Dans cette période de Noël, si je peux le dire. Est-ce que tu m'autorises, Jean? Bah, dis toujours, oui. Eh bien, c'est les chaussettes. Parce qu'on mettait la chaussette en bas du sapin de Noël. Et je trouve qu'on a une idée des chaussettes qui est quand même liée au sapin de Noël. Oui, oui, tu peux faire les relations que tu veux. Voilà. On va dire que toi, tu as fait une autre sorte de relation avec les chaussettes. Ouais. Ta relation avec les chaussettes est relativement différente de la mienne. Oui, c'est vrai. Bon. On me la demande toujours. Bon, je la change, je la chante et je la rechante. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'autres de mes chansons que j'aime beaucoup. Mais bon... Allons-y pour les chaussettes. Que l'on soit d'Épinal ou bien du Massachusetts, en règle générale, c'est par deux qu'on les achète. Car vous imaginez, en cas de vente au détail, les recherches à mener pour assortir couleur et taille. C'est afin d'éviter tous ces tracas inutiles qu'on a eu cette idée de les relier par un fil. Mais si leur vie commence plutôt dans la promiscuité, le cours de l'existence va briser cette intimité. Mais où vont les chaussettes quand la vie les sépare? Dans quelle vallée secrète s'arrête leur histoire? Dis donc qu'elle s'ennuie pour s'éloigner de leur père et s'égarer dans la nuit des chaussettes solitaires. Ce n'est plus à vérifier tant les faits le corroborent. C'est sûr, elles prennent leurs pieds en commun dans nos transports. Mais je dois aussi vous confier que jamais lorsque je sors, je n'oublie de les remercier pour la chaleur et le confort. Mais les chaussettes ne sont que des monstres d'ingratitude, méprisant par leur façon ma généreuse attitude. La preuve est là tout au fond de la cuve de ma machine, où fréquemment se morfond une chaussette orpheline. Mais où vont les chaussettes quand la vie les sépare? Dans quelle vallée secrète s'achève leur histoire? Est-ce le goût de l'aventure ou quelque archaïque instinct qui, en gonflant leur pointure, bouleverse leur destin? Qu'elle soit d'archiduchesse ou noire comme celle d'Eddie, je les lave, les sèche et les range par deux, par dix. Mais ces marques d'attention ne semblent pas leur suffire, puisqu'à la moindre occasion, elles en profitent pour s'enfuir. J'ai soigné mes œils de perdrix, supprimé ma transpiration, mais ça n'a pas amoindri leur profond besoin d'évasion. Je me dis que je suis trop seul face à ces disparitions. J'en appelle à tous ceux qui veulent fonder une association. Mais où vont les chaussettes quand la vie les sépare? Dans quelle vallée secrète s'achève leur histoire? Groupons-nous donc et demain nous pourrons lever la tête en célébrant main dans la main la fidélité des chaussettes, en célébrant main dans la main la fidélité des chaussettes. Maintenant, on va entendre un historique de Noël. Il se reconnaît. Oui. Dans Vincent. Oui. Je me mets là, hein, oui, parce voilà. Que maintenant on se met là. Voilà, c'est ça. Minuit chrétien, moi je chante aussi, c'est l'heure solennelle, petit papa Noël. Enfin, je ne vais pas continuer à chanter, mais c'est pour marquer ce qui pour moi a été Noël. Alors Noël, j'ai pris mon papier, parce que je ne sais pas quoi dire, mais parce que j'ai trop à dire, alors c'est pour essayer de ne pas prendre trop de temps, tout en disant l'essentiel. Donc, voilà, Noël, c'est quel est le sens de Noël? Alors moi, je remonte aux traditions les plus anciennes. Peut-être que Pierre, qui est archéologue, pourra corroborer ou infirmer, on verra, ce que je dis. Noël, c'est en scandinave, c'est Yule. Et Yule, c'est la roue, la roue du temps. Voilà le sens premier de Noël. Et le sens premier, c'est autour du solstice, qui signifie « le soleil s'arrête ». Voilà, c'est ce grand sens du moment de Noël qui me paraît être le début de ce moment, de ce temps dans lequel on rentre dans quelques jours. D'ailleurs, on est dans l'Avent, qui est où il y avait aussi des calendriers de l'Avent, mais aussi des couronnes de l'Avent, où on allumait chaque dimanche une bougie, et aussi la couronne de l'Avent, encore le cercle, la roue. Noël lui-même, c'est le temps arrêté. C'est Noël, autrefois, c'était, dans les traditions, c'était 12 jours. Il y a les 12 jours de Noël. En fait, avec le triple Noël, Noël, le jour de l'an et les rois. Je reviendrai sur les rois tout à l'heure, parce que ça nous fait rentrer dans une logique encore de ce grand temps, de ce mois de Noël, comme je l'appelle en fait. Noël. C'est pourquoi Noël, Jésus, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, c'est indiqué nulle part. L'Église, jusqu'au 4e siècle, a le fêté vers le 25 mars, 3e, 4e siècle. Il y a eu au concile de, je ne sais pas quoi, Nicée, je ne m'en rappelle plus, à peu près. On a fixé à Noël. Pourquoi à Noël? On fixait Noël à Noël, enfin, fixé la naissance de Jésus à Noël. Noël, et là on a le sens premier, c'est en fait le jour de Mitra. Le 25 décembre était le jour du culte de Mitra, qui est le soleil. Le soleil, Noël, c'est Natalis Solis Invicti, naissance du soleil invincible. Le culte de Mitra, qui était très répandu à l'époque, juste concurrentiellement au christianisme, était très répandu par les légions romaines. On a peut-être d'ailleurs une stèle à Remiremont, mais ça c'est au musée Fréry. Bref, en tout cas, ce culte de Mitra, c'était le soleil, la fête du soleil. Et c'est pourquoi l'Église a décidé de placer à ce moment-là, pour remplacer, selon la coutume chrétienne, enfin, selon le mode de remplacement, le christianisme a souvent utilisé des fêtes antérieures. Voilà. Alors, que dire? Ah oui, Janus. Alors, il y a aussi le sens de ce temps, c'est Janus, le dieu de janvier. et le dieu à deux têtes, le dieu qui regarde dans le sens de l'année qui vient de terminer et dans le sens, dans l'autre sens, il a deux têtes, hein, je ne sais pas si vous voyez. Et c'est aussi le double Jean. Là aussi, l'Église, le 27, c'est la Saint-Jean d'hiver, qui est parallèle à la Saint-Jean d'été. Saint-Jean d'été, solstice d'été, solstice d'hiver. Les deux moments clés où le temps, les deux solstices, où le temps repart, enfin où il y a quelque chose qui redémarre, la roue du temps s'arrête un moment et repart. D'ailleurs, cette roue du temps qui s'arrêtait, dans les traditions anciennes, il fallait pas avoir de mouvement circulaire. Alors, normalement, il ne faudrait pas rouler pendant les 12 jours de Noël. En fait, on interdisait les mouvements circulaires. Et par exemple, je ne sais pas comment on faisait ça, mais les queniers, sur des gâteaux de Noël dans les Vosges, c'était, on ne roulait pas la pâte. Il ne fallait pas rouler la pâte parce que sinon, Erkush, qui est la fée maléfique, allait s'asseoir dessus, bref. Ou bien aussi, il y avait pendant ces 12 jours, la chasse sauvage qui passait dans les airs et qui, dans les traditions, un peu partout en France d'ailleurs, mais dans les Vosges notamment, où il ne fallait pas sortir. Et en principe, il fallait rester calfeutré. Il fallait pas, sinon, on était happé par la chasse sauvage qui vous happait et qui vous emportait dans les enfers, ou du moins dans les airs. Alors voilà, déjà, ce temps arrêté. Ce temps arrêté, il y a le mois, j'ai dit le mois de Noël. Et moi, dans 8 jours, c'est la Saint-Nicolas, enfin le 6. Ça, on le fait souvent avant, le 4, parce que c'est comme ça. Le 6, Saint-Nicolas, donc Saint-Nicolas, qui est Saint-Nicolas? C'est certains mythologues le rapprochent de Odin, qui a son cheval blanc, et Saint-Nicolas aussi un cheval blanc. Le cheval blanc d'Odin, c'est Sleipnir, et il distribue des cadeaux aux enfants, Odin. Et Saint-Nicolas, lui, il remplace aussi, il est de Myre, ou peut-être qu'il remplace Apollon, là-bas. Enfin, en tout cas, le culte d'Apollon était important à Myre, en Asie mineure. Et Saint-Nicolas est accompagné du père Fouettard, qui, bien sûr, symbolise un petit peu le côté de l'ombre, le côté de l'ombre qui est dominante à ce moment-là. Au début, dans quelques jours, c'est encore l'ombre qui domine. Mais voilà, on a les trois petits-enfants qui sont coupés en morceaux. Le sens de ces trois petits-enfants coupés en morceaux, eh bien, je me reporte au 6 janvier pour les retrouver. Et je me reporte au mythe d'Osiris, où Osiris, le soleil, est coupé en morceaux et ressuscité par Isis, sa femme et sœur en même temps, la lune, qui le reconstitue et qui le fait renaître le 6 janvier sous la forme de Horus, du bébé. Et c'est donc une vierge mère, si je peux dire, qui fait naître un enfant. Voilà, il y a aussi une analogie. Et le 6 janvier était d'ailleurs un moment important. Donc un mois après le 6 décembre, forcément, le 6 janvier était un moment important au cours duquel l'eau du Nil était censée se changer en sang, en eau, en vin, hein, et où, par conséquent, cette date a été gardée dans le calendrier orthodoxe. C'était le jour de l'an, le 6 janvier souvent, et la naissance de Jésus a été fixée aussi au 6 janvier. Bon, on a... Je suis obligé de raccourcir parce que c'est tout ça est le fruit d'interprétation que j'ai. Mais pour moi, je simplifie dans mon interprétation à laquelle je crois, à laquelle j'adhère en tout cas, c'est que les trois petits enfants du cuveau de Saint Nicolas, eh bien, me rapportent d'abord au chiffre 3, à la Trinité. On trouve souvent le thème des trois soleils qui apparaissent, par exemple, au Tillot. Il y a le mythe des trois soleils sur le ballon, bref. Et les trois petits enfants coupés en morceaux, sont pour moi les trois petits soleils. Donc il faudrait chanter « Il était trois petits soleils voilà, », qui reviennent un mois après sous la forme des rois venus de l'Est, de l'Orient, et c'est des soleils fortifiés. Là, un mois après, le soleil, les trois soleils reviennent et sont devenus les trois rois. D'ailleurs, alors, le mythe solaire des rois, quand on tire la galette des rois, galette circulaire aussi, eh bien, on avait un enfant qui se cachait sous la table et on lui disait « Phébé Dominé, à qui cette part de gâteau ?» Et Phébé, c'est devenu la fève, mais Phébé, c'est aussi Phébus, le soleil. Petit seigneur soleil, c'est-à-dire seigneur soleil, à qui la fève, à qui ce gâteau ? Bref, voilà. Mythe de Saint-Nicolas, mythe des rois, mythe d'Osiris, interprétation, interpénétration. Alors, les raccourcis, je prends des raccourcis. Pierre, sûrement, va me dire où je vais chercher tout ça. Je le cherche par des analogies. Je le cherche par des analogies et je vais ajouter, alors, je vais essayer d'ajouter quelques éléments, pas, sans être trop long, c'est pour ça que je vous ai dit. Bon, les rois, c'est important parce que c'était le troisième Noël. Il y avait aussi des feux des rois. En Franche-Comté, il y avait les feux des rois. Il y avait la Befana en Italie qui distribuait les cadeaux aussi. Bref, des analogies. Maintenant, si on revient dans ce mois de Noël, il y a aussi d'autres éléments. Donc, on pourrait même remonter à Saint-Martin, le 11 novembre. Bref, il y a des antécédents, il y a l'avant. Mais il y a aussi, surtout, des moments lumineux. Alors, ces moments lumineux particuliers, eh ben, c'est bien sûr Saint-Nicolas dont j'ai parlé, dont l'analogie avec les dieux anciens me paraît évidente. Enfin, on peut en discuter, mais on n'a pas le temps. Et on a Sainte-Luce. Alors Sainte-Luce, c'est important, c'est le 13 décembre. Alors Sainte-Luce, c'est la Sainte Lumière, hein, avec... les filles en Suède, puis même en Alsace, je crois, se promenaient avec des couronnes de lumière à la Sainte Luce. Et on disait, à la Sainte Luce, les jours croissent du saut d'une puce. Ce qui était faux. Si, c'était faux, mais c'était vrai. C'était vrai jusqu'en 1582, à cause du calendrier julien qui a été... Alors disons qu'on avait perdu 8 jours, le calendrier julien ne comptait pas les années bissextiles. Donc... on s'est trouvé en 1582 avec un décalage d'une huitaine de jours, ce qui fait que le 13 décembre 1582, vous avez là, correspondait au 21, correspondait au solstice. Voilà. Et après, alors on a rattrapé, d'ailleurs cette année-là, je crois qu'on est passé brutalement du 13 janvier au 21. Ou, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Ben, il y a, C'est très intéressant, Vincent. Oui. Moi, ce que je dirais, juste une... je dirais une réflexion comme ça, c'est qu'en quelque sorte, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que Noël ou pas Noël, en fait, l'être humain a toujours eu des rituels rattachés, que ce soit religieux, mystique ou autre, toujours eu des rituels qui ont été en fonction, je dirais, des saisons, en fonction de la planète, en gros. Voilà, c'est ça. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. La bûche, le sens de la bûche, qui est le feu caché, qui est le pendant du feu solaire de la Saint-Jean. Ben, bref, on a vraiment cette symétrie des solstices et ce qui fait qu'il y a une fascination pour Noël de toute façon. Voilà, après, on peut. Il y a des tas de choses à dire, des tas de rebondissements à l'intérieur de ces 12 jours, de ces. Bon, il y a les 13 desserts en Provence. Parce que les 12 jours, est-ce que ça correspond à ce qu'on appelait la trêve du confiseur ? Oui, justement. Puis c'était aussi la trêve au Moyen-Âge que l'Église a imposée à la chevalerie pour empêcher les guerres. Donc il y a toujours eu ce moment d'arrêt, ce moment d'arrêt du temps, de quelque D'ailleurs, chose. L'anecdote, c'est que, par exemple, si tu as un problème judiciaire, quoi qu'il soit, il y a la trêve des confiseurs. Pendant ce temps-là, il n'y a rien. Voilà. C'est rigolo, même l'administration l'a mis au goût du jour, ça. Mais oui, et on a vraiment ce temps que là, on va vers là. On est dans la nuit, mais on a une espèce d'espérance de lumière qui pointe, et c'est ça le sens de Noël. Et on se dirige vers ce temps qui vraiment va repartir autrement à partir de janvier et dans le cycle solaire. Bon, pour moi, c'est le soleil, c'est vraiment donc Natalis, Solis, Invictus. Certains ont dit Néo-Hélios, Noël, Néo-Hélios, mais c'est une extrapolation. En fait, c'est Natalis, Solis, Invictus, Invicti. Et ça veut, Naissance du soleil invincible. Oui, parce que moi, mon latin, il est Mitra, loin derrière. Mitra, Mitra, qui était un dieu perse, parce que là, où, dans lequel on peut, alors plus loin, dans lequel on peut retrouver le bonnet, peut-être du Père Noël, lequel Père Noël lui-même nous vient de Saint-Nicolas. C'est Santa Claus qui a mais été... Santa Claus, je ne sais pas, ce n'est pas historique, mais il me semble, peut-être je dis de grosses bêtises, que Santa Claus, c'est une invention de Coca-Cola. Non, c'est-à-dire... Ils ont... non, le il Père était... Noël Non, pas vraiment. Non, il était antérieur, d'après ce que je crois. Le Père Noël est antérieur à Coca-Cola, mais après, Coca-Cola lui a donné son rouge et blanc, mais parfois, je crois qu'il apparaît en vert. Dans les premières apparitions du Père Noël dans les années vers 1850. Mais en tout cas, c'est une mutation de Saint-Nicolas, Santa Claus, qui devient effectivement, qui a été transporté par les Hollandais, je crois, et les Allemands aux États-Unis. Parlons, il y a le sapin aussi, le sapin de Noël, qui lui est fondamental, qui nous vient, qui apparaît pour la première fois au XVIe siècle, je crois, à Célestat, en Alsace. Bref. Il perd pas ses feuilles, il symbolise l'éternité de l'arbre, de la végétation. Voilà encore un symbole parmi tous les symboles. Oui, il y en a plein. On en reparlera peut-être comme ça, mais ça serait. J'en ai fait une émission sur Guémozo, et là les auditeurs vont peut-être réécouter mon argumentation. On m'a coupé d'ailleurs parce que c'était un peu trop long, bien sûr. Mais... non mais Vincent, je tiens quand même à dire quelque chose. Moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié ton explication. Oui, ma foi. Elle est très intéressante et je vais même aller plus loin. Je pense que ce soir, je vais me réconcilier avec Noël. Ah oui. Parce que ce côté, cette fête du solstice, ce renouveau de la lumière, tous ces symboles qu'il y avait et tout... ça a un côté, à mon avis, qui est quand même plus chaleureux qu'un Noël, comme on le voit actuellement, assez ultra-consumériste, donc qui dénature un peu, justement, le soleil, parce que, voilà, c'est quand même un peu... Voilà. Donc là, je crois que non, mais je te remercie infiniment de cette explication, voilà, qui me réconcilie avec Noël, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. Noël, Noël. Alors, puisqu'on a eu notre international et pratique Jean-Claude Forgy, nous allons maintenant écouter notre magnifique Sylvie Leguet. Oui. Et tu peux présenter ce que tu vas nous chanter. Ce n'est pas une chanson de Noël, en fait, mais c'est pas très gai non plus. Je sais pas beaucoup. La plus gaie, je crois que vous l'avez entendue, mais c'est une chanson triste qui parle d'un clown et je trouve qu'il parle quelque part. Elle fait un peu écho aussi à la relation à l'autre, au fait qu'on nous voit pas. Enfin, voilà, vous allez voir. Enfin, vous allez entendre surtout. Deux bougies sur mon bureau, dame danseuse en tutu blanc, coule, coule comme l'eau, sans t'arrêter mon cierge blanc. Deux bougies dans la glace, quatre bougies dans la chambre, soudain courant d'air me glace, comme les bougies te ressemblent. Les flammes dansent comme toi, dans ton habit de clown blanc. Elles peuvent même pleurer, je crois, larmes de cire, larmes de sang. Elles peuvent comme toi, mon roi, rendre triste quand elles sont gaies, ou faire rire quand plus rien ne va. Ce que tu faisais, je crois. Un rond piste. Et au centre, un clown blanc jouant du violon qu'à la vétiste pour faire rire les petits enfants. C'est bien dommage que le clown blanc, après des années sous ce projecteur, ait disparu comme le cierge blanc. Il ne m'a laissé que son cœur. Sur mon bureau, dame danseuse en tutu blanc, coule, coule comme l'eau, sans t'arrêter mon cierge blanc. Sur les cordes de son violon, quelle magnifique voix, Sylvie, vraiment. Tu nous emmènes. Ah oui, mais avec la voix qui nous emmène, moi je ne sais pas vous, mais moi je. Waouh, je grimpe dans les nuages. Voilà. Eh bien là, nous allons entendre un petit texte de notre international pratique. Ah, je crois que je vais l'appeler comme ça. Notre pratique internationale, Jean-Claude Vorgy. Qui va nous lire un texte de... Jules Bocarne. Vas-y, redis. Jules Bocarne, c'est un auteur-compositeur belge qui nous a quittés au mois de septembre, là, à l'âge de 85 ans, je crois, qui faisait des chansons, qui faisait aussi des textes. Et il en a un, qu'il a intitulé Petit Jésus. Et voilà. Mon Dieu Seigneur, quelle affaire! C'est un bien petit enfant, savez-vous, c'est-il-là. Oh, le petit Jésus, te rappelles-tu? Mais il a tout changé sa tête. Note bien, ça dépend des églises. Tu vas le voir dans une église, il n'est pas le même que dans l'autre, sais-tu. Faut croire que des petits Jésus, mais il y en a autant que d'églises. Mais quand tu regardes l'histoire, là, le monde, il n'a pas de suite dans les idées. Imagine un peu quand il est venu au monde... On aurait cru qu'on aurait dû refuser du monde, qu'il serait né à bureau fermé, cet enfant-là, que ce serait comme un festival. Rendez-vous compte, ça faisait des milliers d'années qu'on l'attendait. Tout le monde s'écriait « Attention les gars, il s'en vient, ce sera pas long, il arrive ». Il était attendu comme le Messie, cet enfant-là. C'est vrai. 100 ans avant qu'il arrive, on criait partout « Hosanna, Hosanna ». Il arrive ? Pas un chat. Juste un ange, de petits moutons, de petits bedeaux et un berger. Et pourtant, un bien petit enfant comme Soula, sais-tu, on n'en avait jamais vu. Imagine un peu, de belles petites crolles, de belles petites menottes, poussez la ridée, grande dame, Jean des Sceaux, petit courteau. Ça ne s'était jamais vu. Notez bien ce qui était le plus terrible pour moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que cet enfant-là a eu l'idée de venir au monde en pleine nuit de Noël. Et même, il est tombé sur le premier Noël de tous. N'a pas eu un cadeau. Il a braillé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas eu un cadeau, sais-tu. Mais je voulais bien t'y voir, moi, naître dans une étable en plein mois de décembre. Les cadeaux, pour en avoir, il était obligé d'attendre après les rois. Les rois mages, tu sais bien, les grands efflanqués de l'Écriture sainte. Ils étaient partis 6 mois à l'avance sur 2 gros chameaux. Où c'est que vous allez? Oh, on s'en va porter les cadeaux à l'enfant Dieu. Allez-vous le trouver seulement? Bon, il n'y a qu'à suivre l'étoile. Mais il y en avait un maudit paquet d'étoiles. La grande ours, Vega, Arcturus, tout le bazar. Ils se sont trompés plusieurs fois de chemin, sont arrivés 10 jours en retard. Mais cet enfant-là aurait pu mourir d'une pneumonie en les attendant. Heureusement, ça, c'était pas écrit dans l'Évangile, heureusement, toute la Sainte Famille était obligée de rester dans l'étable, ils ne pouvaient pas s'en aller. Les rois mages, ces saisis-là, avaient écrit qu'ils venaient. En plus, ils arrivent avec leur cadeau. Mais devine un peu quel cadeau, de la myrrhe et de l'encens pour un bébé naissant. Mais c'est ainsi. Ça, c'était un bien cadeau. Faut dire qu'ils n'avaient pas fait les magasins longtemps pour trouver ça. Ils auraient pu acheter des chaussons, comme tout le monde. De l'encens, Maria Dei. Remarquez que d'un côté, avec les deux animaux qui étaient dans l'étable à la plaine, un peu d'encens, ben, ça n'a pas fait de tort. Mais moi, quand même, à la place de Saint-Joseph, je leur aurais parlé. Mais le pauvre Saint-Joseph, il n'avait pas la tête à ça, sais-tu. Il n'en revenait pas encore. Il se demandait bien comment ça avait pu arriver, enfin. Il disait, mais je n'y suis pour rien. Et puis surtout, ce qui ne lui plaisait pas, c'était le bœuf qui le regardait tout le temps en riant. Mais dans le fond, c'est pas Saint-Joseph que je plains le plus, sais-tu, là-dedans. C'est la Vierge Marie. C'est pour elle que ça a été le plus pire. C'est elle qui a eu le plus difficile à passer outre de tout ça. Parce que, imagine-toi un peu, une toute jeune fille, 19 ans, 18 ans, peut-être même 16, on ne sait pas. Une toute jeune fille, pas d'expérience. Dans le temps, les filles sortaient pas. Il n'y avait pas des émissions de télévision pour t'expliquer comment ça se passait, hein ? Quand le grand Gabriel est venu, celui-là, il fait spé où ce qui se perdrait, sais-tu ? Quand le grand Gabriel est venu, il a dit « Veux-tu, veux-tu ?» Elle a répondu « Oye, oye, j'y veux bien. » Elle ne savait pas qu'après, il ne reviendrait plus jamais. Hein, mon Dieu, c'est quand même malheureux, hein? Même dans les anges, on ne peut pas avoir confiance. Eh bien, Jean-Claude, c'est bien de t'être assis. Parce que là, ce serait bien que tu te relèves. Puis que tu ailles nous chanter une chanson, quoi. Bon, faut que je choisisse. Je vais vous faire une chanson plutôt optimiste. Hein. Si tu mets dans ton verre un peu de lumière du printemps, les charmes du pivert et la profondeur de l'instant, quelques éclats de rire posés sur un lit de rosée, la douceur d'un plaisir apprivoisé. Tu verras ce breuvage ou du parfum d'éternité, te dira les bons usages de la liberté. Sans que tu l'apprennes, tu sauras écrire et chanter les plus beaux poèmes jamais inventés. Mets à profit chaque jour qui passe, tu verras comme il fuit l'oiseau fugace. Soucie-toi surtout de toujours avancer, en passant partout où tu dois passer. Si tu mets dans tes poches une rivière de désir, le soleil de Gavroche, une romance à faire fleurir, trois graines d'utopie enrobées de passions sensibles, la magie, poésie, où soufflent les vents du possible. Alors tu auras le pas qui donne le rythme et le sens à la vie d'ici-bas quand elle se danse. Et tu n'auras de cesse de vouloir découvrir tout ce que la sagesse saura t'offrir. Mets à profit chaque jour qui passe, tu verras comme il fuit l'oiseau fugace. Soucie-toi surtout de toujours avancer, en passant partout où tu dois passer. Si tu prends dans tes mains la flèche d'un matin d'automne, les détours d'un chemin où tout te captive et t'étonne, un cristal oublié sous la crinière d'une étoile, la trame déployée d'un idéal. Tu écriras ton histoire comme un arpège ruisselant, en faisant du hasard le complice de ton talent. Tu deviendras voyageur d'un univers habité par l'infini bonheur d'exister. Mets à profit chaque jour qui passe, oiseaux fugaces. Soucie-toi surtout de toujours avancer, en passant partout où tu dois passer. Si tu mets dans ton verre un peu de lumière du printemps, les charmes du pivert et la profondeur de l'instant. Merci. Bravo Jean-Claude. Merci beaucoup. Quelle belle voix on a dans les Vosges. On est vraiment chanceux. Vraiment. Alors, bah, je vais demander à Filmo qui nous fasse un petit... Déjà, un petit, petite intervention. Voilà, tout le monde a ce qu'il faut, vous ne manquez de rien. Ça tombe bien, moi non plus. Alors, je vous présente Filmo qui est notre journaliste attitré. Voilà, ben, je vous remercie de votre accueil. Hein. C'est toujours bien sympa de venir chez vous. Alors, on parle pour... Merci. On parle pour introduction des sujets qu'on a déjà abordés avec Vincent. C'est « Je me ressource en vue de réapparaître hein, ». C'est ce qu'on est peut-être un peu en train de faire. L'écriture, c'est un leitmotiv. Bah, pour moi, c'en est un. Mais la transhumance des qualités d'animation collective en est une autre. Voilà, ça m'intéresse, ça. Là j'ai pas tout compris, mais je comprends. La transhumance des qualités d'animation collective. La transhumance... C'est-à-dire, ici, c'est de la transhumance. Oui. De se rencontrer, c'est un peu de la transhumance, de se retrouver au chaud. D'accord. À plusieurs, on va admettre que c'est de la transhumance. D'accord. Que ce soit une qualité d'animation collective... Ben là, tout le monde y va, là. Vous avez tous compris, bien sûr. Oui, ça oui, va oui, tout le monde oui, a compris oui, oui, oui, oui, filme, tout le monde a mais compris. Mais vous faites bien de m'interrompre, hein, si quelque chose n'est pas assimilé. Alors là, ça va être pire, hein, maintenant. Bon, hein. Tu suis bien On s'attend à tout. Vous êtes tous accrochés à vos chaises, c'est bon. Alors, on parle d'ultra-consumérisme et de Noël en même temps, autant dire surproduction pour gadgets et fétiches. Mais mon bébé dort. Mais alors mon bébé dort. C'est beaucoup plus facile. C'est l'heure du transport, voyage, balade ici-bas. La vie est belle, du sol à la tête. Et voilà. Pierre, eh bien lui nous invoque les supplices actuels, raisonnés d'un plaisir défunt. Imaginons la situation dramatique d'une centrale nucléaire, comme tu as bien connu à Tchernobyl, tu t'étais penché sur le sujet, il me semble, de façon conséquente. Et peut-être connais-tu cet homme qu'on a rencontré, comment s'appelait-il avec sa grande barbe, monsieur Saint-Nicolas. Je vois ce que vous voulez dire. Non, il s'agissait d'un professionnel qui avait fait un... spécialisé donc dans le nucléaire comme toi, et qui était spécialisé dans la catastrophe de l'époque, et qui avait mis en place du théâtre, mais du théâtre de rue, qu'il appelait du théâtre invisible. C'est-à-dire que soudain, vous apparaissez chez vous, et vous déambulez nonchalamment, et soudain, qu'est-ce qui vous vient ? Oh, quelle joie ! Soudain, dans la rue, il faisait ça. Ou alors il accompagnait avec un bébé d'or. Simplement, c'était une radio dedans. Alors, un coup, ça se courait. Et les voisins, et les cousins, et les badauds se demandaient soudain qu'est-ce que c'était que ce théâtre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire du théâtre vous-même. Aujourd'hui, il faut être plutôt burlesque, je pense, plutôt que l'esprit... faut pas laisser tomber, quoi. Hein. Le rire est le propre de l'homme. Oui. Et alors, n'oubliez pas que le jouir aussi. Hein. Si vous arrivez à jouir et à rire en même temps, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Donc, Pierre nous dit que c'est un projet raté, mais un marché ouvert. C'est un marché ouvert énorme, là. On a l'énergie qui évolue, dont l'évolution en interrogation d'un nucléaire en primaire. Alors, j'ai l'impression qu'on est, on déambule, on est au préambule de la microtechnique nucléaire, et nous déambulons tellement que faudrait passer à l'action, quoi. Et puis penser à nos enfants, hein, je pense. C'est surtout ça qu'il faut considérer. L'escalator, j'ai beaucoup aimé comment réduire la consommation. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'imaginer qu'on puisse débrancher les escalators et les ampoules en berne. L'isolation également, ça m'a intéressé. Ma foi, se pencher la prochaine fois, on fera le sujet spécifique à l'isolation, alors je pense. Pardon ? Faire pédaler les Chinois. Ah oui, mais ça, c'est un totalitaire qui parle, là. Subtiliser, soustraire les déchets nucléaires, ça, c'est un signe qui m'est revenu. Parce que comme on sécrète la matière, on a déjà sécrété la matière, l'Inca sécrétait la matière, et il sécrétait la matière naturelle. Donc si on peut sécréter et matérialiser de la terre, des graines, des fleurs... Il y a eu des magiciens au cours de l'histoire qui savaient faire ça. Ils ont été assassinés. Alors, si je comprends bien, un peu comme Zarathoustra, quoi. D'accord. Mais si je comprends bien, tu penses qu'il faudrait trouver des magiciens comme ça pour les déchets nucléaires, en gros. Je crois que comme ils existent, ils se cachent. D'accord. Et ils peuvent très bien. Il y avait Raymond Réan, qui était un très bon magicien en France, qui travaillait pour le gouvernement, et qui travaillait dans la télékinésie à l'époque. La télékinésie, c'est-à-dire déplacer... L'objet que tu as musical, qui est très très intéressant, c'est vraiment un objet magique. C'est vénéré, hein, cet instrument de musique, il me semble. Oui, vas-y, montre-nous ce que tu sais bien t'en servir. Moi, j'adore. Personnellement, c'est un son qui m'émeut. Donc, moi, je recherche ça, avoir des sensations. Je parlais de soustraire et de subtiliser la matière. Ça me paraît intéressant, comme on sécrète et on matérialise. On doit savoir, je pense, dans l'humanité, faire l'inverse, donc subtiliser la matière. J'espère qu'on en est là, quoi. Je dirais positiver dans l'énergie propre, voilà. Ce serait déjà apprendre à respirer. Ce serait déjà apprendre à respirer. Est-ce que vous savez que vous pouvez apprendre à respirer simplement en expirant 7 secondes? Vous inspirez par le nez, cette fois-ci, 5 secondes. Si vous arrivez à expirer 7 secondes et à reprendre à peu près 5 secondes, c'est un entraînement, hein, c'est un entraînement personnel que vous pouvez avoir, mais vous entraînez une minute par jour, voilà, hein, il n'y a pas besoin de se casser la tête, après vous en redemanderez. Vous en redemanderez, vous direz « j'en refais une deuxième minute dans la journée ». Parce que c'est vraiment décontractant cérébral d'oxygéner le cerveau. Ça paraît rien, mais il faut en parler. Qu'en pensez-vous ? Oh, on est tout à fait d'accord avec toi, oui, oui. On oxygène le cerveau. Voilà, on oxygène le cerveau. Voilà. Mais Jean-Claude intervient. Alors, il danse dans ses chaussettes. Il ne va plus au ciré, il essaye de ne pas les séparer. Ça serait chouette, penché sur un fil, sur une corde. Voilà Jean-Claude et Odette. Hein, comme les chaussettes, Odette. De l'archiduchesse, par exemple. Voilà, par exemple. L'historique de Noël, chez Vincent, on ne peut résumer un érudit. Hein, donc là, je ne vais pas m'aventurer. Je ne vais pas m'aventurer de trop. Quand même, dans le domaine... Mais j'ai quand même noté. Entre Yule et Solstice, c'est Noël. À l'origine, c'était 12 jours, pourquoi pas 12 mois. Mais Mitra, qui passait par là, eh bien, a décidé qu'on ne parlerait plus de lui. Et depuis, les dieux donnent une bonne semaine à chacun, mais pourquoi pas un bon mois et une bonne époque. Et si on prônait la bonne époque au moment de Noël plutôt que de prôner la bonne journée ? Si on prônait une époque ? Et devenons l'unité d'ailleurs. Chez les Américains, on parle de unit. Unit, c'est l'unité entre les hommes. C'est bien le même sens et les mêmes molécules qui nous ont assemblés. Simplement, on s'est séparés de par des lieux qu'on ne connaissait pas et les différences de langage qu'on avait. Mais sinon, on arrive à s'entendre maintenant. T'es d'accord ? Oui, oui. Je suis toujours d'accord avec toi, moi. Un bon mois, une bonne époque. Mais on pense, quand on pense que Balthazar était un enfant roi, un enfant soleil, il y a donc bien eu des enfants rois. Eh bien, peut-être y en a-t-il encore ? Et comment se réconcilier avec Noël ? Mais prenez rendez-vous avec Catherine. Et pour Sylvie, c'est les cordes de son vivant. Elle dit que c'est les cordes de son violon. Moi, je dis que c'est les cordes de son vivant. Et puis un petit Jésus dans l'affaire, ça fait des anges suspendus. Hein. Et Jean-Claude nous sourit de poésie, le chant du pivert, pas du voyage, oser la terre. Merci Christophe. Pour cette minute, on va dire amusante. Bonjour. Interpellante, voilà. Interpellante. Je pense que maintenant c'est à toi, Sylvie. réécouter cette chanson, je trouve qu'elle parle d'une grande solitude aussi, et d'une grande solitude quand t'es dans l'adversité, et quand t'es en train de vivre quelque chose de dur, et quelque part, ça reflète vraiment beaucoup ce qu'on vit en ce moment, et merci à toi de nous rassembler comme tu le fais. C'est gentil, merci. Voilà. Merci, Sylvie. Jean-Claude, il a un petit texte encore. Hein. Ouais. Elle est insupportable, Catherine. Hein. Mais ah cette oui, fois, c'est moi qui le dis. Hein. Le texte de l'insupportable Catherine. Voilà, le texte. Là, parce que ça reste. Il y a des choses comme ça, des petites anecdotes que, oui, vous avez, que vous avez peut-être vécues la dernière fois et que peut-être d'autres découvrent. C'est que quand il est arrivé pour dire son texte, c'est « Oh, mais j'appelle Catherine. » Et puis elle me dit « Oh, génial, tu vas le dire à la prochaine. » »« Oh, elle est insupportable quand même, cette Catherine. » Alors donc, ça me restera ce sous-titre, « L'insupportable Catherine. » Alors, pour répondre à l'insupportable Catherine, j'ai fait une lettre au Père Noël. Cher Père Noël, j'espérais fortement que la marée covidienne qui a touché, paraît-il, bon nombre de personnes âgées, saurait nous débarrasser enfin et à tout jamais de ta présence annuelle et quelque peu envahissante, et libérer dans le même temps ces malheureux cervidés que tu contrains chaque hiver à tracter ton traîneau désuet, pour une mission qui n'appartient plus à rien d'autre qu'à cet univers pernicieux et délétère de la consommation. De plus, tu t'es immiscé dans une fête à l'origine religieuse, et donc plutôt douteuse, dont on nous rabat les oreilles depuis des siècles et qui n'est qu'une légende assez médiocre. On nous fait naître un enfant sur la paille dans une écurie, sous le regard d'un bœuf et d'un âne dont on peut se demander quelle valeur symbolique ils incarnent. Mais bien vite, tu t'es fait récupérer par les marchands du temple et les adorateurs du veau d'or. Ils ont fait de toi, à l'origine, personnage bonhomme et bienveillant, généreux distributeur d'oranges et de menus cadeaux, aimé des enfants. Ils ont fait de toi un VRP international et multicarte, un apôtre du consumérisme, l'idole des galeries marchandes, triste démiurge d'un culte fétichiste, où la confirmation est délivrée par un déclic photographique à l'apport pécunier non négligeable. Et ton image emblématique suffit pour provoquer, à chaque mois de décembre, une cohue infernale au cœur des villes où chacun d'entre nous, après s'être torturé les méninges, est contraint de trouver le cadeau qui va, peut-être, convenir aux uns et aux autres membres de sa tribu. En cumulant ainsi l'histoire du petit Jésus, histoire plutôt humble et modeste à l'origine, et la tienne, pervertie par le profit et le désir consumériste, voilà comment on a construit une des plus importantes fêtes obligatoires où la douceur poétique qui pourrait l'habiller ne brille plus que par son absence. Comme ils sont étranges, ces jours où la joie de vivre est programmée dans les calendriers. Si Jean-Claude, ne te sauve pas. Oui, voilà, ne te sauve pas. Qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant? Alors, je vais vous faire... Ce truc rigolo, là. Je vais vous faire un truc rigolo, puis je vais vous faire une petite chanson. Avant, je fais des chansons... Oui, voilà. Des chansons éclairs. Ah, c'est ça. Je pimente mes concerts de petites chansons éclairs. Alors, je vais vous en faire une, je ne sais pas laquelle... Il est possible en toute saison de trancher le saucisson. On ne peut pas dire pour autant qu'une rondelle fait le printemps. Et puis une chanson que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai un public généralement quand même qui n'est pas tout jeune. Et voilà. Et vous allez pouvoir chanter au refrain parce que le refrain est très facile. Voilà. Quand on est jeune depuis déjà un bon moment. On sent venir comme une gêne dans certains mouvements. On a mal au cou, juste en tournant la tête. ou des clous dans les genoux à la moindre grimpette. Alors quand la vie, alors quand les hasards de la vie nous rassemblent, on se met à chanter tous ensemble. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Il est des discussions qui font beaucoup d'audience, suscitant les passions, exhortant les tendances. Mais pour faire exploser le taux de l'audimat, il suffit de causer ménopause aux prostates. C'est comme le refrain d'une imparable chanson qu'on reprendrait à l'unisson. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. On trouve maintenant dans nos ordinateurs plein de renseignements concernant nos douleurs, plein de bonnes raisons qui apportent et ajoutent des justifications à nos dires, à nos doutes. Saurons-nous demain prendre assez de hauteur pour chanter du haut de nos déambulateurs? Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Allez, pour le plaisir, encore une fois, tamalou, tamalou. Jean-Claude, ça nous a rappelé qu'on n'est pas tout vert, mais enfin, il y a quand même, on va quand même pas croire qu'on est tous des, non, il y a quand même des plus jeunes, enfin, il y a des plus jeunes, quand... non, mais il y a des, non, rassurez-moi, oui, non, mais quand même, oui, il y en a là, 1, 2, 3, 4, non, presque la moitié, non, on est presque égalitaire. Non, mais ils peuvent l'apprendre, c'est de la prévention. Oui, c'est de la préparation à la vie. Oui, c'est ça. Alors, comment on garde les traditions? Parce que, bon, d'abord, on a un sujet qui est assez traditionnel. Hein. Effectivement, voilà, dans un 21e siècle ultra-consumériste, hein, quelle valeur attribuer à Noël? Alors, comment on fait une tradition? Eh bien, chacun va pouvoir s'exprimer. On va faire tourner le micro. Là, on va le faire tourner. Et chacun pourra dire, et si vous ne voulez pas vous exprimer, vous pouvez simplement dire, je n'ai rien à dire. Voilà, ça c'est aussi très faisable. On va commencer par Sylvie. Ah, alors moi j'invite Jean-Claude, tu sais c'est la petite chanson sympathique. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Alors, ah, oui. Allez Pierre, oh, bah, il la connaît, allez. Tu la connais. Donc, voilà, alors c'est... Voilà. Mais moi j'avais envie de chanter en fait, parce que tu l'as dit aussi en arrivant, il y a le petit papa Noël, etc. Mais pour moi, Noël c'est aussi chanter, et pour pas aller dans les chansons religieuses. Bah, voilà, moi j'ai une chanson que beaucoup de gens connaissent, voilà, et on va la chanter ensemble pour le plaisir de partager, parce que c'est aussi du partage. Non, je ne le fais pas parce que je ne sais plus. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descend grave par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons les jouets dont tu as rêvé. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher. Dieu se voile, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinables? Petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Merci beaucoup. J'ai vu beaucoup de personnes chanter. Ouais. En fait, il y en avait pas mal qui connaissaient. Moi, je ne connaissais pas, mais il y en avait pas mal qui connaissaient. Donc maintenant, on va faire ce fameux tour de table. Alors Sylvie, toi, tu as dit ce que tu avais à dire. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Juste ça, par rapport à cette folie de consommation où Noël commence à mi-octobre, en fait, je trouve qu'effectivement, il y a un vrai travail à faire sur qu'est-ce que ça veut dire se retrouver en famille et quelles sont les vraies valeurs de l'amour à l'autre, quoi. C'est pas « je t'achète quelque chose et je t'aime », c'est « revenons à des choses un peu plus humaines ». Voilà. Hop, à toi. Voilà, à toi. Donc, on passe d'une Sylvie à une autre Sylvie. Et eh bien, ce soir, je n'ai pas écrit de texte. Voilà. Non, quelques petits mots qui me sont venus, c'était qu'on soit jeune vieux ou vieux jeune, qu'on peut être aussi entre amis ou en famille, et on se réunit. Voilà. Et sinon, pour mon historique par rapport à Noël, pour moi, c'était magique. Quand j'étais plus jeune, j'étais en Alsace, et c'était toujours des Noëls blancs garantis. Et c'était vraiment l'occasion de se réunir, avec attendre les cadeaux, l'horaire. C'était très ancré chez nous. Et ensuite, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant que saisonnière. Et donc, tous les Noëls, je travaillais. Et je passais 30 jours enfermée dans les galeries avec les musiques. Zing, zing, zing, zing, zing. Et je crois que ça m'a aigrie de Noël. Donc, je n'ai pas fêté Noël pendant plus de 20 ans. Et cette année, je me dis, je vais peut-être quand même faire un repas avec ma famille parce que je ne travaille plus pour Noël. Donc, voilà. Et puis, je suis très contente d'être là, et voilà. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Roger. Yes. Moi, je suis aigri depuis très longtemps. Pour moi, le Père Noël est vraiment une ordure depuis toujours. Et, je tiens à le dire, j'ai jamais dit ça, mais en fait, les cadeaux à Noël chez nous, c'était ça dépendait de ton attitude, si t'avais bien bossé à l'école, si t'avais pas fait trop de conneries, si t'avais pas dit trop de mots grossiers. Tu te retrouvais toujours avec un truc que t'avais pas commandé parce que t'avais toujours été un petit con, tu vois. Donc voilà, Noël pour moi c'est... Puis je crois que ça va toujours rester un peu comme ça jusqu'à ce que j'ai mes propres enfants. Et bonheur, j'ai une fille qui est née le 24 décembre. Donc ça m'a redonné envie, tout d'un coup. Voilà. Très belle, très beau témoignage. Merci Roger. Christine. Donc moi je vais vous raconter un souvenir quand j'étais petite. Je dormais, donc j'étais petite et puis je dormais, j'étais en chemise de nuit et puis on me réveille et on part avec ma tante qui avait 3 ans de plus que moi et on était en pyjama, en chemise de nuit et on part à travers le village où il y avait de la neige. Et on va chez un de mes oncles, où là, il y avait le sapin et les odeurs de clémentine. Et c'était un super Noël. Voilà. C'est très bon. Merci beaucoup, Christine, pour ton témoignage. Nous allons passer le micro à Mireille. Eh bien, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, Sylvie, que vous chantiez, en fait, tous les trois. C'est, pour moi, Noël, c'est vraiment le chant, quoi. Voilà. Je suis trop fatiguée, mais ça m'a donné envie, pour peut-être une prochaine fois, eh ben, de chanter, d'amener une chanson. Voilà. Mickey, oui. Je ne t'ai pas demandé, Mireille, de nous dire un texte ni rien, parce que je pensais que ce n'était pas le moment en ce moment, vu que Mireille, elle a son spectacle « Les vers de terre s'en mêlent », qui est très, très apprécié en ce moment. Elle est donc beaucoup, beaucoup sur le devant de la scène, c'est ça ? Mmh. Voilà. Donc voilà, Mickey. Eh bien, moi, je suis croyante. Donc, pour moi, Noël, c'est vraiment important. C'est vraiment fêter l'enfant qui est en nous, notre enfant intérieur, notre quelque chose qui sort de nous, notre beau soleil qui peut s'illuminer et honorer ça et tous les soleils de tout le monde. Voilà. Très beau. Merci, Mickey. Souad. Alors pour moi, Noël, j'en ai pas vécu quand j'étais petite parce que je suis pas d'ici et c'est pas dans les traditions desquelles je viens. Donc j'ai commencé à le vivre il y a 12 ans et ça a toujours été synonyme de partage, de retrouvailles en famille avec des gens qui m'ont adoptée, on va dire, comme famille. Donc pour moi, oui, c'est une période où je me retrouve, enfin où je partage et je suis en famille. J'aime beaucoup. Et voilà, c'est pour moi, c'est ça les valeurs les plus importantes à Noël. Et comme Sylvie l'a dit, aussi de revenir à l'essentiel et de pas s'éparpiller, vouloir trop consommer, pour moi c'est très important aussi. Donc voilà, revenir à l'essentiel, partager famille. Merci beaucoup, Souad. Guillaume. J'ai beaucoup aimé le partage par rapport à l'exposé sur les rituels et les symboliques. Je trouve que ça peut être vraiment une chose importante à réintégrer, en fait. D'ailleurs, à d'autres moments que Noël aussi, du coup. Pour être un peu plus en harmonie avec les saisons, avec les cycles. Je pense que ça peut ramener pas mal de sens, en fait, et de puissance au moment-là, en fait, d'être aligné par rapport à ça. Et puis dans un deuxième aspect plutôt pratico-pratique par rapport à la consommation, il y a un truc qu'on fait depuis quelques temps qui est de les cadeaux, on les emballe en fait dans des, je sais plus, c'est un nom japonais je crois, oui. Mais on les emballe dans un... Oui. Dans un tissu. Un beau tissu, en fait, qu'on réutilise à chaque fois. Mm. Et je trouve que c'est sympa, parce que c'est vrai que ça fait vraiment voir tous les... Oui, c'est une coutume japonaise, effectivement. Mm. Ouais. Les emballages. Et puis quand on se dit que dans chaque foyer, ça fait ça, moi, ça m'a... Mm. Voilà, du coup... Et aussi, par rapport à ça, de savoir qu'il y a le marché de l'occasion, où il y a plein de produits, en fait. On n'est pas obligé d'acheter neuf à chaque fois. On peut faire aussi plaisir à ses proches en achetant des objets d'occasion et qui auront... Voilà, qui ont tout autant de sens à être offerts, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Eh bien, mon cas, alors, mon cas Christophe. Est critique. Ah. Car il fut une époque, j'étais Père Noël de Golbey. Ah. Et c'était assez dramatique dans le sens où, quand je rencontrais la femme du président de l'association des Napoléoniens, elle tombait, Joséphine elle-même, Joséphine l'appelait-on, eh bien, elle tombait dans les pommes. Et à chaque fois que je faisais Père Noël, quand elle me voyait, elle tombait dans les pommes. Et alors, j'ai eu l'occasion de refaire Père Noël dans une bonne ville qui s'appelle Le Thillot. Et là, un enfant est venu vers moi, et quand il m'a vu, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Alors, vous savez, c'est pas tous les jours la fête, hein. Nous allons passer la parole à Evelyne. Eh bien, oui, c'est pas facile de passer après Christophe. Bon, pour moi, Noël, ça me ramène toujours à mon enfance, à l'enfant que j'étais. On n'avait pas de cadeaux parce que les cadeaux, on les avait à Saint-Nicolas. C'était Saint-Nicolas qui nous apportait des petits cadeaux très modestes. Et Noël, c'était le sapin. Donc, mon père ramenait un sapin de la forêt. Et on décorait le sapin, tout le monde ensemble, tous les enfants. On mettait les guirlandes, les boules, les bougies. Et c'était un moment magique. Et après, avec mes enfants, ça a été pareil. En fait, quand on faisait le sapin, qu'on allait chercher la boîte où il y avait tout, toutes les décorations rangées depuis longtemps, on ressortait tout ça et alors on remettait les boules et tout ça. Et à chaque fois, c'est magique. Et maintenant, avec mes petits-enfants, mais c'est pareil, j'adore les voir faire le sapin, mettre les choses où ils veulent les mettre. Je trouve toujours que c'est magique, le sapin de Noël. Voilà. Je crois qu'on a tous été émus quand elle racontait ça, parce que je pense que chacun d'entre nous, plus ou moins, a vécu des moments comme ça. Voilà. C'est Gundino. Moi, j'ai rien de spécial à dire. Bon, bah, c'est bien. Si ce n'est que je te remercie d'avoir invité. Oh, maman, parfait, c'est Gundino. Et nous passons la parole à une autre Christine. Moi aussi, je te remercie pour cette invitation. C'est la première fois que j'assiste à cette soirée et je trouve le principe très intéressant. J'ai beaucoup appris. Et donc moi, je suis venue aussi parce que je m'interpelle beaucoup par rapport à cette surconsommation de Noël. Et c'est difficile. Donc moi, depuis l'an dernier, j'ai décidé de ne plus offrir de cadeaux parce que je trouvais que ça n'avait plus aucun sens. Et pour moi, la difficulté maintenant de cette période de Noël, c'est ça, c'est quel est le sens, c'est un peu ce que tu as mis dans ce que tu as dit. Parce qu'avant, pour moi, c'était de se retrouver en famille et d'être en famille. Après, quand tu as des enfants en bas âge, c'est la petite surprise avec cet imaginaire qu'on fait travailler à l'enfant d'un cadeau qui peut arriver du ciel ou quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, c'est plus rien. Tu vois, tu as tous les magazines qui arrivent, comme disait Sylvie, depuis le mois d'octobre. Ils découpent, ils ne savent même plus quoi découper. Il y en a des millions. Donc, c'est vraiment une grosse interrogation et ce n'est pas toujours aussi évident à vivre avec les gens avec qui tu vis, parce que tu... Enfin, voilà, c'est difficilement entendable par certaines personnes. Voilà, ouais. C'est certain, oui. Donc, bah, merci pour cette réflexion sur, je pense, nous tous par rapport à cette fête de Noël. Oui, merci beaucoup, Christine. Pierre. Oui, alors pour moi, ben Noël, c'est comme disait Vincent, c'est un mois, ça, c'est un mois qui dure longtemps. Juste avant Noël, il y a le mois de novembre. J'ai horreur du mois de novembre, donc je te remercie de m'avoir invité ce soir, parce que ça nous sort un petit peu de cette nuit là dans laquelle on s'enfonce. Et puis, bon, Noël, pour moi, c'est d'abord Saint-Nicolas, parce que, ben, comme disait Christine, c'est ça. Evelyne. j'ai eu un lapsus, excuse-moi, Evelyne. Les cadeaux, c'était à Saint-Nicolas, donc voilà, ça me rapporte à mon enfance. Et puis, au goût de l'orange, de la clémentine, voilà, parce que c'était des moments où on en mangeait, et c'était nouveau à l'époque. Voilà. Merci beaucoup Pierre et Mélanie. Alors moi je voulais vous partager un petit souvenir, parce que de vous entendre chanter comme ça tous ensemble, ça m'a fait penser au chanter Noël antillais. J'ai habité et travaillé un temps à la Guadeloupe, et pendant tout le mois précédent Noël, on se retrouve le week-end ou le soir. Ouais, on se retrouve le week-end ou le soir... à la moindre occasion, et on prend les cantiques, et c'est parti pour toute la nuit, les chansons, voilà, avec une ambiance folle, on mange beaucoup, on boit, et c'était aussi une découverte de chansons très original et magique, avec une ferveur commune dans la manière de chanter qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc vous qui aimez chanter, allez jeter un œil sur les chantés Noël antillais et découvrir des petits trésors. Merci bien. Et je tiens aussi à dire que grâce à Mélanie, on a une très belle décoration de table, très naturelle. Elle nous a fait des petits lutins avec des baguettes, des noisetiers. Voilà, vas-y, explique. Non, elle ne veut pas expliquer. Des baguettes en noisetier. Enfin, nous avons toute une horde de petits lutins qui vont vous attendre autour de la soupe après. Vincent. J'ai plusieurs choses à dire. Simplement que novembre n'est pas si sombre que ça, quand même. Il est sombre, il est dans l'attente de la lumière. Ainsi, le mois de novembre chez les Celtes, c'est la Samhain. Le 1er novembre était le début de la nouvelle année celte. Et on avait la Saint-Martin, avant que ce soit le 11 novembre. C'était la Saint-Martin. Il y avait en Alsace les Martinsfeuer, les feux de la Saint-Martin. Voilà, puis il y a la Sainte Cécile, qui est une sainte de la musique, hein, le 22 novembre, et la Sainte Catherine, qui est la sainte à la roue, voilà. Et puis la Sainte Barbe, qui est dont la légende est la lumière cachée dans la tour. Bon, bref. Mais je voulais surtout à le sens aussi, on a parlé de la folie de la consommation, mais ça serait bien de revenir à une autre folie qui était dans le même temps des 12 jours, tout ça, mais parfois décalé, qui est ce temps carnavalesque qu'a été parfois le temps de Noël. Ce qui remonte aux Saturnales, dont je n'ai pas parlé, mais c'était le temps des Saturnales. Saturne, il porte un joli nom Saturne, c'est-à-dire janvier. Hein. Saturne qui était fêté avec une inversion des valeurs, les esclaves devenaient maîtres, etc. Et il y avait, ça rebondit, c'était dans le temps justement qui se passait autour du solstice. Et ce sens-là, je pense qu'il faudrait le retrouver. Il y a quelques années, on a relancé, d'ailleurs à Remiremont avec RGM, et puis avec d'autres, avec Christophe Toussaint notamment, dans les rues de Remiremont, la fête des fous. Qu'est-ce que c'était que la fête des fous? C'était une fête où tout était inversé dans les églises, tout ça, et c'était un moment de carnaval d'hiver, si je peux dire, qui est parfois décalé en janvier. Mais ça nous remonte aussi, mais là c'est trop long, c'est trop de choses, à Cernunnos, l'autre dieu pourquoi le carnaval? Parce qu'on revêt une autre peau, on revêt une peau nouvelle, qui est l'annonce du renouvellement. Voilà. Bon, en tout cas, la fête des fous, moi j'ai eu l'honneur d'être l'évêque des fous devant l'église d'Ormirement. C'est un grand honneur pour moi. Et il y a longtemps, hein, c'est peut-être quelque chose à relancer. Et en tout cas, c'était ce grand temps de Noël aussi. Et cette folie qui vaut bien mieux que la folie carnavalesque, que la folie consumériste. Un carnaval d'hiver, voilà, c'est aussi le sens que ça peut prendre, voilà. C'est très intéressant, effectivement, de voir que, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur ces périodes-là, et on se scotche peut-être sur cette image qu'on a actuellement, mais en fait, qui est une image assez moderne et assez nouvelle, en quelque sorte. Il y a quelque chose d'autre. Et moi, je dis vraiment merci, Vincent, tu m'as réconcilié avec Noël. Jean-Claude. Ben, moi, j'ai déjà pas mal dit, hein, sur Noël. Voilà. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des Noëls d'enfance super, quoi. Ben, vraiment, c'était... Il y avait tout le rêve, il y avait toute la magie, etc. Et j'avais un oncle qui faisait le Père Noël et qui m'amenait un album de Tintin tous les ans, voilà. Et... Le regret, c'est peut-être d'avoir grandi et puis d'avoir en même temps perdu cette magie-là. Je trouve que aujourd'hui, peut-être aussi à cause de cette consommation à outrance, la poésie a complètement disparu de ça, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est regrettable, quoi. Bon, et qui fait que je réagis quand même, voilà, comme j'ai pu le faire dans mon texte. Par rapport à cette fête obligatoire, comme je dis. Mais je crois que la poésie et puis le vrai Noël, moi, je me disais ça, je me disais ce soir-là, ben, c'est Noël. Oui, voilà. C'est exactement, merci voilà. beaucoup. Et oui. je me dis que les cadeaux, ils ne sont pas matériels forcément, quoi. Voilà, ils sont dans ce que chacun donne et ce que chacun peut apporter par ce qu'il est, quoi, naturellement. Voilà, c'est tout. Et puis, un truc très pratique, pratico-pratique, pour limiter les cadeaux, dans ma famille, on a pris la décision, il y a quelqu'un qui fait un tirage au sort et qui dit « un tel fait le cadeau à un tel ». On ne fait plus le cadeau à X personnes autour de soi parce que finalement, ça revient très cher. C'est un peu con parce que finalement, on a plein de cadeaux, puis on a, dont on n'a rien à faire, ils finissent voilà, à la poussière. Et là, tandis que la personne tire au sort, elle dit bah, « toi, tu fais un cadeau à celui-là ou à celle-là ». C'est tout. Voilà, uniquement. C'est limité à une personne. Et je trouve que c'est plutôt bien, voilà, ça au niveau de la consommation. Voilà. Effectivement, ouais, voilà. Très bonne idée. Voilà, ben pour terminer en juin, hein, alors moi je ne sais pas, est-ce que vous voulez chanter tous les deux encore quelque chose, ou l'un ou l'autre, ou l'un après l'autre? Et ils vont nous terminer cette soirée en beauté avec une chanson magnifique, Amour, Amitié. Merci. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient plus du tout du goût du baiser dans le cou. Elle me demande de l'embrasser, je ne sais plus si c'est déplacé, mais je suis bien embarrassé, même juste comme ça, un baiser. Amour, amitié. Je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Elle pose sa main sur ma joue et ma pudeur en prend un coup. C'est fou, elle pense surtout. Parfois on ferme les yeux, j'y vois des petits vaisseaux bleus qui où les naviguent sans cesse, gonflés d'amour et de tendresse. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Fait très chaud depuis une heure, mais elle a gardé son manteau de peur que je lui voie la peau. Ce qu'elle demande est redoutable, car parfois la bouche est capable de faire frissonner et bien plus, cela elle ne s'en souvient plus. Amour, amitié. Je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant. Mais elle a eu un seul amant et ne se souvient pas encore du corps qui se plie et se tord. Et elle a oublié les gestes de cet amour raté du reste. Elle se souvient par ailleurs des coups de couteau dans le cœur. Amour, amitié. Je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va d'un ami à l'amant. De la vie à l'amant. Wow! Bravo! Je vous fais juste une petite chanson éclair pour finir. Bien. Me voilà seul et déprimé, car il me fut insupportable fois été obligé de vacciner ma poupée gonflable. Corinne ? Une petite éclair, non. Celle-là est plus un télo, hein, mais bon, c'est bon. On essaiera dessus. Un acteur, ce serait peut-être un facteur qu'aurait perdu une lettre. Je tiens vraiment tous à vous remercier parce que ces soirées chaleureuses, c'est effectivement des soirées de Noël en fait. C'est une période à laquelle effectivement, je pense que se réunir, je pense à chaque fois qu'on se retrouve, on dit la même chose, les liens, se réunir, la chaleur humaine, l'échange, le partage et toutes ces choses-là. Voilà. Comment ? Ah, Roger nous rappelle. Et le Pinot Gris. Hein, voilà. Eh bien, je vous dis à tous bon appétit et bonne soirée. Merci beaucoup. Nous vous remercions tous, auditrices et auditeurs, pour nous avoir accompagnés dans cette charmante soirée. Et nous vous disons à bientôt dans Associativement Vôtre, dont la musique que vous entendez actuellement est de notre ravissante auteur-compositeur belge, Auriel, que nous tenons à remercier au passage. Musique.